Chapitre 14e. Et maintenant, illustre auteur de tant de chefs-d'œuvre, vous voilà bientôt sur le seuil de cette éternité redoutable dont vous avez si noblement parlé, et que vous avez eu l'incontestable honneur de ne jamais mettre en doute. L'heure est venue de vous recueillir, et la voix d'un chrétien vous y invite aujourd'hui avec modestie et fermeté. Vous avez, monsieur, vous avez commis bien des fautes dans votre vie si brillante jadis, et que nous voyons aujourd'hui s'éteindre non sans tristesse. Les catholiques ont le cœur trop large, croyez-le bien, pour vous reprocher celle de ces fautes qui ne touchent point à vos rapports directs avec votre Dieu et le nôtre. Que d'autres parlent avec dédain de vos spéculations quasi commerciales, de vos libéralités trop somptueuses, de votre économie mal basée, cela ne nous regarde pas. De minimis non curat praetor. Mais, chose plus grave, vous avez contristé l'Église par votre orgueil, et vous ne l'avez pas encore consolée par votre retour. À deux ou trois reprises, il vous est même arrivé de parler contre cette glorieuse institutrice du genre humain. N'avez-vous pas déjà été puni de ces demi-révoltes? Hélas, mieux qu'aucun autre homme, vous connaissez aujourd'hui la vanité de la gloire, des honneurs, de la popularité. Vous portez le plus grand nom littéraire de toute l'Europe, et tous les jours le dernier des folliculaires vous tourne en dérision et vous bafoue. Vous avez été le premier citoyen de votre pays. Quelques jours après l'avoir sauvé, vous fûtes scandaleusement oublié. Cet oubli s'épaissit autour de vous, sachez-le bien, et cette ingratitude ne cessera peut-être que sur votre tombe. Seuls les chrétiens vous conservent une reconnaissance sincère et font une juste estime de vos œuvres. Ils se souviennent et se souviendront toujours des grands services que vous avez rendus à la cause de la vérité. Mais il convient que vous vous les rappeliez vous-même et que vous vous jetiez enfin aux genoux du Dieu qui a dit « Tous ceux qui crient « Seigneur, Seigneur » ne sont point sauvés. » Vous avez écrit les méditations où vous avez réconcilié pour toujours la vérité et la poésie. Vous avez écrit les harmonies où vous avez chanté le Dieu vivant. Vous avez écrit le tailleur de pierre de Saint-Point et Geneviève, deux œuvres tout à fait spiritualistes et presque absolument chrétiennes, où vous avez noblement développé les grandes théories de notre théodicée et de notre morale. Vous avez compris Bossuet, vous avez anathématisé Alfred de Musset, vous avez renié le panthéisme. Eh bien, monsieur, il faut achever. Il faut relire encore une fois l'Évangile, puis nous offrir le beau spectacle de votre tête blanche s'inclinant enfin devant la divinité de Jésus-Christ. L'heure est solennelle, l'occasion est rare. Vous qui aimez à flatter l'infortune, ne profiterez-vous pas de ces jours douloureux que traverse l'Église pour tomber enfin dans les bras de cette mère et lui donner, au milieu de tant d'angoisses, la joie de votre conversion publique? Nous attendons de vous ce grand acte qui honorera toute votre vie et vous grandira devant la postérité en vous justifiant devant Dieu. Ainsi s'achève Lamartine par Léon Gautier.